Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous propose d'étudier le comportement d'animaux disparus il y a plus de 66 millions d'années. Comment fait-on pour cerner les habitudes et le mode de vie des dinosaures ? J'aurai ensuite la chance de recevoir Jérôme Maran, fondateur du refuge des tortues de Bessières, qui vient nous parler de sa passion et de son engagement auprès des animaux à écailles et à carapace qui enchantent son quotidien. Bonjour Jérôme, et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Quand on évoque les dinosaures, ces lézards terribles, baptisés ainsi par le paléontologue anglais Richard Owen en 1842, on pense irrésistiblement aux têtes d'affiche du long-métrage de Steven Spielberg, Jurassic Park, sorti sur les écrans il y a 30 ans, et lui-même adapté du roman du même nom, écrit par Michael Crichton. Gigantesques brachiosaures au long cou, mignons parasaurolophus au bec de canard, Triceratops cornu, patraque, vélociraptor dangereusement futé à la griffe acérée et bien sûr, le mortel T-Rex. Ce bestiaire écailleux fantastique a bercé et émerveillé des générations de dinofans enthousiastes. Mais que sait-on réellement de la vie de ces animaux disparus il y a 66 millions d'années ? Comment des os fossilisés, issus de squelettes rarement complets, peuvent-ils nous renseigner sur leur aspect réel ou leur comportement ? Outre l'exploration minutieuse des restes fossiles qui permettent d'inférer la taille, la force et la morphologie de ces animaux ainsi que leur milieu de vie, à grand renfort de modélisation mathématique et de tests physiques, il existe une autre voie pour tenter de percer le secret de leur comportement, s'intéresser à leurs cousins contemporains. Car contrairement à ce que leur dénomination laisse entendre, les dinosaures ne sont pas vraiment proches des lézards. Ils seraient bien plus liés aux crocodiles, dont leur dernier ancêtre commun serait âgé de 245 millions d'années. Et puis, pour être exact, il faut parler en fait de dinosaures non-aviens. Car oui, les dinosaures sont toujours parmi nous. Les oiseaux ne sont pas les descendants des dinosaures, ce sont des dinosaures, des théropodes pour être exact, des petits dinosaures bipèdes carnivores qui ont survécu à la crise d'extinction qui a emporté leurs grands cousins. En étudiant la morphologie et les attitudes des crocos et des oiseaux, les scientifiques peuvent formuler des hypothèses sur les habitudes de nos chers disparus. On parle d'actualisme. Mais attention, ne nous emballons pas. Il existe une variété de comportements incroyablement divers parmi les plus de 10 000 espèces d'oiseaux connues à l'heure actuelle et parmi les reptiles, entre guillemets, qui incluent crocodiliens, tortues, varans et autres lézards. D'ailleurs, le terme de reptile est aujourd'hui impropre pour tout systématicien ou paléogénéticien, car il ne regroupe pas un ancêtre commun et tous ses descendants. Il faudrait plutôt parler de sauropsides pour englober les oiseaux et les animaux que l'on désigne sous le nom de reptiles, qui descendent tous du même ancêtre. Mais revenons à notre paléoéthologie, au comportement de nos écailleux. Difficile de deviner quels auraient été ceux de nos dinos parmi tous ceux de leurs cousins actuels. Après tout, un colibri ne vit pas de la même façon qu'un merle ou un faucon. Alors imaginez un peu la variété de ce qui a pu exister pendant les 170 millions d'années pendant lesquelles les dinosaures foulaient la Terre. Gardez aussi à l'esprit qu'on ne connaît qu'une infime partie de la faune qui a existé. Seuls nous sont parvenus ceux dont les os se sont transformés en roches lors du procédé de fossilisation. Le hic, c'est qu'ils sont rares. Pour qu'un fossile se forme, il faut que les conditions d'humidité et de température adéquates soient réunies. Une multitude d'animaux sont assurément perdus pour toujours car leurs corps se sont décomposés de manière habituelle ou ont servi de repas à d'autres. En 2022, environ 1300 espèces de dinosaures ont été décrites, ce qui peut paraître peu, mais les paléontologues en ajoutent près de 50 nouvelles espèces chaque année. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Si les oiseaux et les crocodiliens ont largement souffert des préjugés des scientifiques, notamment en matière d'intelligence, la même discrimination a touché leurs cousins anciens. Le paléontologue français Marcelin Boule, né en 1862, affirmait que « tous les dinosauriens sont caractérisés par un cerveau très réduit, plus réduit que dans aucune autre forme animale connue. » Allez, tout le monde dans le même panier. La déclaration de Boule reposait sur les travaux de scientifiques qui mesuraient la taille du cerveau des dinosaures. Comment est-ce possible ? Les organes qui sont constitués de tissus mous ne sont pas conservés lors de la fossilisation. Il faut donc mesurer ce qui reste une fois le cerveau disparu, c'est-à-dire l'endocrâne, l'espace à l'intérieur du crâne où se trouvait l'encéphale. C'est bien sûr là aussi une mesure faite un peu au pifomètre, car le cerveau n'occupe pas cette zone à lui tout seul. On y trouve aussi les méninges, les membranes qui l'enveloppent et qui prennent aussi de la place. Pour accéder à la taille supposée de la cavité, il faut donc trouver un crâne déjà ouvert ou scié en deux, tout être retrouvé intact, ce qui donnerait à coup sûr des cauchemars à tout paléontologue sain d'esprit. Aujourd'hui, je vous rassure, il existe des méthodes moins invasives pour mesurer l'endocrâne, telles que les microtomographes à rayon X ou CT scan, qui fonctionnent comme des scanners médicaux et permettent de distinguer la densité de l'os de celle de la roche qui a rempli les espaces laissés vides du squelette. Mais est-ce que, comme le pensait Marcelin Boule, tous les dinos avaient bien un petit cerveau ? L'un des responsables de cette croyance est l'américain Othniel C. March, qui s'intéressait au cerveau des dinos. Il décrivit avec précision, en 1880, le cerveau de Stegosaurus, ce dinosaure du Jurassique aux larges plaques osseuses en losange sur le dos. Il l'a comparé au cerveau d'un jeune alligator. Il observa que le cerveau du crocodilien était 10 fois plus petit que celui du stégosaure, alors que celui-ci avait une masse corporelle 1000 fois moindre. Il lança donc une bombe. Le ciboulot du dinosaure était 100 fois plus petit que celui d'un alligator actuel, reléguant le pauvre mastodonte parmi les bêtas. Ce que les scientifiques de l'époque ignoraient, c'est que, d'une, la taille du cerveau ne fait pas tout, loin de là, mais aussi que la taille du cerveau n'est pas proportionnelle au gabarit de son porteur. Certains animaux de taille modeste, comme les corbeaux, ont pourtant des ciboulots balèzes. En mesurant des cerveaux de plein d'espèces différentes, ainsi que la taille de ces animaux, les scientifiques ont depuis mis au point une mesure que l'on appelle quotient d'encéphalisation, qui permet de prédire la taille attendue du cerveau en fonction de la taille de l'animal. Pour les dinos, cela représente un défi supplémentaire, puisqu'il faut estimer le poids du cerveau et du corps total de l'animal, en se basant uniquement sur ses ossements bien souvent fragmentaires. Vous l'avez compris, les paléontologues doivent aussi être bons en maths et plutôt forts en divination. Les premières études utilisant ces quotients d'encéphalisation révèlent que notre stégosaurus, tout comme les géants sauropodes au long cou, comme Diplodocus et Giraffa titan, arrivent plutôt en bas du classement. En revanche, d'autres, comme les iguanodons, vous savez, les héros du film Dinosaure de Disney, possèdent un cerveau 2 fois plus important que ce que l'on pourrait attendre chez un reptile de cette taille. Même chose pour les géants de la famille des théropodes, comme le fameux Tyrannosaurus. Mais ce sont les petits prédateurs, comme la superstar Velociraptor, qui explosent tous les pronostics avec un cerveau 12 fois plus gros que ce qui est attendu. La thèse d'Ashley Morhart, soutenue en 2016 à l'université de l'Ohio, a un peu revu ses résultats grâce à des estimations plus fines des volumes des cerveaux à partir des moulages d'endocrâne, et améliore largement le classement de Triceratops et Stegosaurus. Ce dernier n'est pas le cancre que l'on a dépeint et dépasse même l'alligator avec lequel il avait été improprement comparé. Mais Diplodocus reste bon dernier. Mais après tout, est-ce si grave ? A-t-on réellement besoin d'un énorme cerveau pour s'en sortir dans la vie quand on mesure 30 mètres de long et que l'on pèse plus de 20 tonnes ? Pas vraiment. Et est-ce que la taille du cerveau est vraiment un bon indicateur de capacité cognitive et donc de l'intelligence entre guillemets ? Là aussi, ça se discute, et des générations de chercheurs et chercheuses se sont cassés les dents sur cette question épineuse. Après tout, même parmi les animaux à gros cerveau, tous les individus ne sont pas logés à la même enseigne. Outre leurs idées reçues sur les facultés intellectuelles potentielles des dinosaures, les scientifiques ont également été guidés par leurs préjugés pour caractériser les mœurs de ces animaux longtemps décrits comme des monstres écailleux, brutaux et sanguinaires. L'un des meilleurs exemples en la matière est probablement le cas d'Oviraptor, un genre de petit dinosaure théropode découvert en Mongolie. C'est en 1924 qu'Henry Fairfield Osborne donnera son nom à l'une des espèces décrites, Oviraptor Philoceratops. Oviraptor signifiant « voleur d'œufs » et Philoceratops qui est fou d'œufs de ceratopsien. Le spécimen découvert avait en effet été retrouvé sur un nid contenant une quinzaine d'œufs de Protoceratops, un autre dinosaure. Il avait donc été logiquement déduit qu'Oviraptor était mort en tentant de manger les œufs de celui-ci. Osborne émit quelques doutes sur son appellation, surtout qu'il s'était basé sur un unique squelette plutôt amoché, mais c'est ce nom de voleur d'œufs qui restera dans les archives et désignera cette famille. Il faut attendre d'autres fouilles pour découvrir dans les années 1990 un individu adulte assis sur un nid comme s'il le protégeait. Et de comprendre que les embryons présents dans les œufs n'étaient pas des protocératops, mais bien des oviraptors. Probablement pris dans une tempête de sable, l'animal a été figé pour éternité dans une posture qui rappelle davantage la protection d'un parent que l'attitude d'un fieffé chapardeur. Ce spécimen fossile daté de 75 millions d'années, découvert en 1995, a été surnommé Big Mama, avant d'être nommé officiellement Citipati osmolskae en 2001, dans l'article de James Clark et de ses collaborateurs paru dans le Journal of Vertebrate Paleontology. Sa nouvelle dénomination vient du sanskrit et signifie « le seigneur des cimetières ». Cela reste un peu macabre, mais au moins, sa réputation est maintenant réhabilitée. D'autres découvertes tracent des parallèles troublants avec des comportements observés actuellement. Dans une étude parue en 2016 dans le journal Scientific Reports, l'équipe menée par Martin G. Lockley décrit de larges cuvettes creusées dans le sol du Colorado par de grands théropodes, toujours des dinosaures bipèdes carnivores cousins des T-Rex. Ces creux mesurent jusqu'à 2 mètres de diamètre et sont formés de marques de griffes bien visibles qui semblent indiquer que les animaux grattaient le sol alternativement de leurs deux pattes postérieures. Si l'on peut penser que ces cuvettes servaient de nid, aucune trace d'œuf ou de coquille n'ont été décelées sur le site. Les auteurs suggèrent alors que nos dinos formaient ce que l'on appelle des leks, L-E-K, comme le font encore certains animaux actuels. Les mâles se regrouperaient au même endroit, chacun sur sa cuvette, et roulerait des mécaniques pour appâter les femelles. Aujourd'hui, on observe ces comportements aussi bien chez les mammifères que les poissons, mais les oiseaux se révèlent plutôt inventifs en la matière. Les rares et étranges kakapos, originaires de Nouvelle-Zélande, des perroquets géants terrestres, creusent des cuvettes similaires pour réverbérer leurs booms vocaux à grande distance. S'il est maintenant couramment accepté que de nombreux dinosaures avaient le corps recouvert de duvets ou de plumes pour isoler leur corps du froid ou initier le vol, certaines semblaient également jouer le rôle d'objets d'apparat et de séduction. C'est par exemple le cas pour Epidexipteryx ui, un petit dino à plumes de la taille d'un pigeon découvert en Chine, dont la queue était munie de 4 longues plumes ornementales qui devaient en mettre plein la vue. Trouver l'amour semble donc toujours avoir été une priorité, même au Crétacé. Grâce aux nouvelles technologies, on peut imaginer de façon toujours plus précise l'aspect et la vie de ces animaux disparus. Des découvertes récentes ont même révélé la couleur de certaines plumes ou de coquilles d'œufs, par exemple, ce qui nous semblait impossible il y a encore quelques décennies. D'autres analyses suggèrent que l'on pourrait distinguer mâles et femelles de certaines espèces, comme les ornithomimosaures d'Anjac, qui seraient identifiables à la forme de leur fémur. C'est un monde qui nous reste encore à découvrir, et si l'on s'intéresse souvent à leur extinction, il serait judicieux de s'émerveiller de l'adaptation et de la longévité des dinosaures qui leur ont permis, pendant 177 millions d'années, de gouverner cette Terre. Faut-il pour autant espérer le retour de ces individus sur notre bonne vieille planète en ingénieur mégalomane du vivant, tel Hammond, le directeur de Jurassic Park ? Nope. Et nous revoici avec notre invité, Jérôme Marant, fondateur du refuge des tortues de Bessières, non loin de Toulouse, qui héberge, comme son nom l'indique, des tortues aquatiques et terrestres de tous horizons. Il vient nous parler de sa passion pour ces charmantes créatures à carapace et de ses missions de sensibilisation. Alors, vous racontez souvent que vous avez toujours été passionné de nature et d'animaux de toutes sortes depuis votre plus tendre enfance. Qu'est-ce qui vous a tant plu chez les tortues ? Qu'est-ce qui m'a tant plu chez les tortues? C'est la première rencontre, en fait. J'ai gagné ma première tortue à la fête foraine Saint-Michel à Toulouse. Et c'est un animal qui m'a de suite attiré par ses couleurs, par sa vivacité, par le fait qu'on connaissait très, très, très mal à l'époque. Là, on est au début des années 80. Très mal ces animaux. Et par ma volonté aussi de vivre à proximité des animaux et de les étudier. J'ai toujours rêvé d'être chercheur, ce que je ne suis pas, mais j'ai longtemps caressé ce doux rêve, bercé par les émissions des animaux du monde, les reportages de Frédéric Rossi, de Commandant Cousteau. Et donc tout ça a fait que je voyais en la tortue la possibilité de l'élever en captivité, d'avoir cette proximité qui me permettait de mieux la connaître, tout en envisageant des aventures sur le terrain pour aller les observer vraiment in situ, dans leur environnement. En nature, dans leur milieu. Alors, vous disiez que vous caressiez le rêve d'être chercheur. Alors, je voulais savoir, quel est votre parcours? Comment est-ce qu'on devient spécialiste des tortues? Alors, c'est un parcours totalement atypique, ce qu'on appelle un parcours d'autodidacte. C'est-à-dire que j'ai eu un bac littéraire, j'ai fait mes études au collège lycée Montalembert Notre-Dame, quand il était rue des Transipons. Et ensuite, je me suis dirigé vers la fac du Mirail, où je fais une fac d'histoire géo, mais j'y suis resté 2 mois et demi. Et en fait, non, j'étais pas du tout fait pour les études. C'est les études qui me poursuivaient. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de mettre un terme à tout ça, de prendre mon sac à dos et en grand routard, du moins en devenir que je voulais être, j'ai pris les chemins de traverse et en effectuant de nombreux voyages à l'étranger. Pour chaque déplacement que j'ai fait dans ma vie, tous les petits voyages que j'ai faits ont été réalisés dans le cadre de mon envie d'étudier, d'observer les tortues sur le terrain. Et à partir de là, en revenant de voyage, j'écrivais des articles que je publiais. Je contactais les spécialistes, pour le coup des vrais professionnels, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, à l'Université de Montpellier, des chercheurs comme Roger Bourg, Marc Chélang. Et puis, de fil en aiguille, je me suis fait connaître à travers ce que j'écrivais, j'ai persisté parce que immensément passionné. Et puis avec toujours la volonté de créer ma structure, d'être autonome, de mener ma barque dans le cadre strict de ma passion pour ces petites bêtes à écailles. Voilà mon parcours qui a démarré il y a 45 ans et qui continue de faire son chemin. Mais quand vous partiez, parce que vous êtes allé partout, vous êtes allé en Guyane, vous êtes allé en Afrique, vous êtes allé dans plein de pays différents pour observer ces tortues dans le milieu. Comment est-ce que vous aviez des contacts sur place qui vous indiquaient des lieux où c'était facile de les observer? Parce que c'est pas facile de trouver une tortue. Non, vous avez tout à fait raison, Agatha. Alors, on a souvent cette image d'animal lent, débonnaire, mais non, c'est des animaux qui sont très difficiles, très cryptiques dans la nature, très homochromes, et c'est souvent compliqué de les observer. Alors comment je m'y prenais? Déjà, je me renseignais sur les espèces évidemment que je voulais observer. Ensuite, j'essayais d'avoir toujours un contact, un pied-à-terre qui me permettait de poser mon sac à dos et d'avoir en fait une sorte de base qui me permettait d'aller rayonner autour pour observer, photographier ces tortues. Et puis après, bon, vous savez, quand vous avez fait des recherches bibliothèques, quand vous avez lu tout ce qui s'était écrit sur telle ou telle espèce, vous connaissez l'écologie, les habitudes de ces espèces, et à partir de là, ça reste en fonction des animaux et de leur localité, ça reste, je dirais pas facile, mais... On a les clés, quoi. Oui, voilà. On a les clés qui nous permettent d'entrer en contact, d'observer ces fabuleuses bêtes. Et je me demandais, donc vous êtes allé quand même dans plein d'endroits différents, vous avez observé plein de tortues, vous en avez même décrit plusieurs espèces, il me semble, dans vos publications, des espèces qu'on ne connaissait pas encore à l'époque. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des espèces que vous aimeriez aller observer en milieu naturel et que vous n'avez pas encore eu la chance de rencontrer sur le terrain? Ah ben oui, bien sûr, c'est... Ça, alors là, je suis même frustré par rapport à plein de choses, à savoir que mon rêve, ce serait de toutes les voir, et je ne les verrai pas toutes. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'apporter ma modeste contribution. Alors, quand je dis modeste contribution, c'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment, voilà, je savais qui j'étais, j'avais absolument pas du tout le statut de chercheur, j'étais un passionné, point barre, un naturaliste, mais totalement en phase avec ses rêves. Et ses rêves, c'était contribuer à une meilleure connaissance des espèces que l'on ne connaissait pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis allé dans tous les pays situés entre le Maroc et l'Angola, en Afrique, l'Afrique occidentale, et j'y suis resté longtemps. J'ai privilégié, si vous voulez, le fait de rester et de mieux connaître des animaux de certaines régions plutôt que de multiplier les voyages, entre guillemets, touristiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il me reste tout le monde à parcourir. J'aurai évidemment pas le temps, mais je vais tout faire pour revenir sur le terrain et voir un maximum d'espèces, parce que c'est le voyage. En fait, la tortue, c'est aussi un prétexte. C'est un prétexte à voyager, c'est un prétexte à faire des rencontres extraordinaires. Il y a des gens fabuleux dans ce bas monde, il n'y a pas que des choses négatives. Et quand, dès l'instant où on décide de voyager, d'aller observer des tortues, il nous arrive plein de trucs formidables. Des fois, un peu déplaisantes, certes, ouais, ça m'est arrivé. Mais c'est l'aventure humaine est... C'est génial, quoi. C'est la vie. Alors, si on revient un petit peu en France métropolitaine, est-ce qu'on peut y trouver des tortues sauvages et combien d'espèces peut-on y croiser? La France métropolitaine comprend trois espèces indigènes, deux espèces aquatiques et une espèce terrestre. La seule tortue terrestre que l'on peut rencontrer en France, encore une fois, métropolitaine, hein, puisque dans les dom-toms, notamment en Guyane... Mais c'est là, ce que j'allais dire, Il y a plein d'espèces, plein d'autres espèces aquatiques et terrestres, et également marines. Mais en France métropolitaine, donc vous avez la seule tortue terrestre qui s'appelle la tortue d'Hermann occidentale. C'est une espèce que l'on rencontre dans le sud-est de la France, le Var, le Massif des Maures, tout particulièrement, et la Corse, c'est une espèce qui est fortement menacée, en voie de régression, de disparition sur l'ensemble de son aire de répartition. Et ensuite, vous avez deux espèces de tortues d'eau, la cistude d'Europe que l'on rencontre dans la majorité des régions situées au sud de la Loire, avec de belles populations encore observables dans les Landes, dans la Brenne, dans le sud-est également. Mais là aussi, elle a été victime, forcément, comme toutes les espèces, des activités humaines. Et ensuite, la dernière, l'émide lépreuse, ou Moremis leprosa, qui est la tortue la plus rare et la plus menacée de France, puisqu'elle on compte moins de 800 individus à l'état sauvage, et elle vit dans quelques cours d'eau des Pyrénées-Orientales. Ah, et donc dans une zone en plus très limitée. Languedoc-Roussillon, ouais. Elle est présente en Occitanie, en région Occitanie, mais de manière très précise. Les populations sont déconnectées les unes des autres, ce qui rend son statut encore plus précaire. Mais c'est justement ce que j'allais vous demander. Du coup, ces trois espèces de tortues, quel est leur statut aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont toutes protégées par la loi? Oui, elles sont effectivement toutes protégées par la loi, donc il est interdit de les ramasser, de les déplacer, et sous peine d'une amende assez conséquente et même peine d'emprisonnement. Il s'agit d'espèces protégées, donc c'est du pénal. Ça veut dire concrètement que si un jour, durant vos promenades, vos balades, vous observez une tortue, vous pouvez la photographier, vous pouvez l'observer, mais certainement pas la toucher et encore moins la déplacer. Mais est-ce que ça peut aussi arriver qu'on croise dehors une tortue qui n'est pas une tortue sauvage ? C'est effectivement tout à fait envisageable, puisqu'il faut garder à l'esprit que si on a en France trois espèces de tortues indigènes, donc des tortues natives de notre pays, vous avez plus de 35 et 40 espèces qui ont été déjà observées, des espèces sauvages, des espèces tropicales, qui ont déjà tropicales ou enfin, du moins exogènes, c'est-à-dire qui ne sont pas natives de notre pays, qui ont été trouvées dans notre pays. Donc ça veut dire que ce sont des animaux qui sont issus du commerce animalier. Les tortues ont été vendues par millions, pour certaines d'entre elles, notamment je pense à la trachémide écrite à tempe rouge, ça c'est son vrai nom, on l'appelle souvent la tortue de Floride. astéroïdes. C'est plus court, mais c'est un nom qui est impropre et qui n'est pas correct. Et toutes ces espèces, en fait, ont été vendues dans les années 80-90. Les gens les ont achetées en grande quantité. Comme il s'agissait d'animaux, les commerçants les vendaient à l'état juvénile, des petites bêtes de 3-4 cm de long, que pour certaines d'entre elles, elles atteignent des tailles de 20-30 cm et davantage. Les gens ne pouvant plus les garder, les ont relâchées dans la nature, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est amené à observer des tas d'espèces nouvelles, dont certaines se sont installées, se reproduisent. D'accord. C'est le cas de la Trachémie décrita tempe rouge. C'est le cas du Trionyx de Chine, qui est une drôle de tortue qu'on en appelle aussi tortue à carapace molle, et de la tortue serpentine, qui est une espèce qui est originaire d'Amérique du Nord et qui a été introduite dans notre beau pays et qui aujourd'hui s'y reproduit, et que ce soit en Aquitaine, dans notre région même, il y a une population dans la région toulousaine qui est connue, qui se reproduit. Et donc toutes ces espèces peuvent effectivement être rencontrées dans la nature et posent un certain nombre de problèmes, notamment vis-à-vis de la préservation des espèces indigènes. Oui, c'est ça, parce que on a cette image d'Épinal que les tortues mangent de la laitue, ce qui est faux. Donc ces espèces que vous avez citées qui ne vivent pas en France métropolitaine naturellement, elles rentrent en concurrence avec les trois espèces qu'on a citées au début. Oui. Où elles représentent un danger même. Est-ce qu'elles peuvent les prédater? Est-ce que certaines de ces tortues introduites peuvent être dangereuses pour l'émite lépreuse ou pour la cistude ou... Oui, effectivement, c'est des animaux. Alors, il faut être très prudent. Je reprends ce que des chercheurs habilités ont réalisé en termes d'études, notamment sur les possibles... interférence entre les espèces indigènes et les espèces exogènes, la compétition. Ouais. Donc, mais il est clair que, sans avoir fait d'études précises, on peut très bien imaginer qu'une espèce, et on le voit avec plein d'autres espèces, qu'une espèce introduite qui est naturalisée, qui se reproduit, à un moment donné, elle va entrer en compétition avec les espèces indigènes. Ouais. Ce qui est certain, c'est qu'elles peuvent effectivement entrer en compétition au niveau de l'occupation spatiale des sites, des sites de thermorégulation, d'insolation, de la nourriture, et puis elles peuvent transmettre également des parasites. Ouais. Et tout ça, c'est pas négligeable, donc il est clair qu'aujourd'hui, et ça c'est un appel qu'on peut faire à l'ensemble des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent, c'est que si vous avez des tortues ou si vous connaissez des gens qui ont des tortues qui ne veulent plus les garder, surtout ne jamais les relâcher dans la nature. Je rappelle également que la trachémide écrite à tempe rouge, c'est vrai que c'est plus facile de dire qu'en Floride. Au final, c'est plus rapide. Et pour ce qui s'agit de ces espèces qui sont considérées comme espèces exotiques envahissantes, c'est leur statut réglementaire. Si vous relâchez une tortue de Floride dans la nature, c'est 150 000 euros d'amende et 3 ans de prison ferme. Voilà ce que vous risquez, théoriquement. Bon, après, dans les faits, on n'a jamais vu ça, mais la loi prévoit une telle peine. Ouais. Donc, en dehors de ça, vous mettez en danger, en relâchant des animaux, vous mettez en danger l'existence des populations indigènes. Donc, il ne faut surtout pas faire ça, quoi. Et donc, on l'évoquait, donc les tortues sont des animaux qui ont été beaucoup vendus comme animaux de compagnie. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Est-ce que c'est autorisé d'avoir une tortue ? Et si des gens veulent vraiment passer le pas, quelles sont les bonnes conditions d'hébergement de vie ? Parce qu'on est d'accord qu'une tortue, ça ne vit pas dans un petit terrarium toute sa vie, que ça ne vit pas dans un carré d'herbe d'un mètre sur un mètre. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre une tortue ? Et si oui, quelles sont les vraies bonnes choses à appliquer pour qu'elle vive le mieux possible ? Alors, c'est une question qui est pertinente, c'est une question importante, c'est une question qui est pertinente. Et la réponse que je vais apporter, elle est compliquée. Mmh. Elle est compliquée pour moi, qui suis un passionné de tortues, qui ai acheté jadis des animaux, des tortues, j'ai toujours gardé les tortues en captivité. Mais depuis que j'ai monté avec mes amis et ma famille le refuge des tortues, je vois tous ces abandons. Et je dirais la première réponse que je ferai à votre question, Agatha, c'est Écoutez, ça, c'est un fait. La tortue, c'est un animal sauvage. C'est pas un animal domestique. Et surtout, n'en achetez pas. Allez les voir sur le terrain. Allez les voir dans certains parcs qui en présentent au public. Mais c'est une espèce longévive qui peut vivre pour certaines d'entre elles plus de 100 ans. Est-ce que, si on est raisonnable, est-ce que quelqu'un aujourd'hui est en capacité à prévoir les 100 prochaines années de son existence? C'est compliqué. C'est un hamster, ça vit 2-3 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout se rabattre sur les hamsters. Oui. Ça reste un animal sauvage, même s'il est domestique, s'il a été domestiqué, etc. etc. Mais je veux dire par là que c'est prendre un animal, quel qu'il soit, que ce soit un grillon, une girafe, un rhinocéros ou une tortue, c'est un engagement avant tout. Et ça ne doit pas se faire à la légère. C'est pas, on ne peut pas répondre, et je suis père de famille, et on ne peut pas répondre par l'affirmative à un enfant qui rentre dans un magasin et qui dit « je veux ça ». Non, derrière, ça implique plein de choses. Et ça implique avant tout le bien-être animal, ça implique aussi avoir un sens de la responsabilité. Donc tout ça, moi je dirais que... Aujourd'hui, avec tous les... Parce que le refuge des tortues, la création du refuge des tortues, c'est une belle aventure humaine. C'est l'aboutissement d'une passion. C'est plein de points positifs pour moi. Mais si on est très objectif sur la question, c'est un aveu d'échec. Un refuge pour tortues, on accueille le désespoir des gens qui ne peuvent plus s'occuper de leurs tortues. C'est pas simple à gérer tout ça. Et donc moi, mon quotidien, notre quotidien avec mon équipe, c'est de recevoir des gens qui sont dans la détresse, qui ne peuvent plus garder ces animaux. Et je peux vous dire qu'on en arrive à si on ne fait pas attention à notre pensée, à notre réflexion, on en arrive à être très extrémiste par rapport à tous ces gens qui vendent des tortues, parce que eux, quand ils les vendent, en principe, ils vendent des animaux en bonne santé. Oui. Mais après, ils ne s'en occupent plus. Et nous, on arrive en fin de course, c'est-à-dire quand les gens ne veulent plus les garder. Et c'est des centaines, des milliers de tortues qui sont abandonnées chaque année. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces animaux? C'est une catastrophe. Et on continue. Alors, pour rappel, le commerce des animaux, c'est des tortues en particulier, c'est une histoire qui remonte au milieu du 19e siècle, 1830, quand la France a commencé à s'installer dans le Maghreb, a pris possession de l'Algérie, du Maroc, etc. Il y avait des populations qui paraissaient incroyables. Les tortues grecques, tortues terrestres, il y en avait partout. Et petit à petit, il y a un commerce qui s'est développé, qui s'est accentué et qui a atteint des proportions dans les années 50-60 assez extraordinaires. Et c'est des millions de tortues qui ont été importées comme ça pour servir d'animal jouet. Donc c'est vraiment un commerce qui a dépeuplé les populations sauvages, qui a mis en péril. C'est indéniable de dire ça aujourd'hui. Bon, maintenant... Actuellement, mis à part pour certaines espèces, les tortues de terre sont toujours en vente libre. D'accord. Ce sont des animaux qui sont nés en captivité, d'éleveurs très consciencieux pour la plupart, mais ça reste quand même un animal sauvage. Ça reste un animal qui n'a rien à faire en terrarium, quoi qu'on vous dise. Il ne faut pas oublier que les magasins d'animaux, les animaleries, ne vivent pas de la vente, ne font pas leur bénéfice sur la vente d'un animal. Ils font le bénéfice sur la vente du terrarium, sur la vente du néon, du chauffage, matériel, de la nourriture, du matériel. Et ils font leur beurre avec ça. Et ils vous vendent une tortue en disant « Non, non, elle sera très bien dans un terrarium. Non, non, non, elle sera très bien pour leur portefeuille, mais pas pour la santé de la bête. » Donc, non, surtout, n'achetez jamais d'animaux en animalerie. Essayez de vous rapprocher d'éleveurs sérieux, attention, avec autorisation, c'est-à-dire des éleveurs qui détiennent les autorisations pour élever et vendre leurs animaux. Et à partir de là, rapprochez-vous d'associations, rapprochez-vous de passionnés qui vont vous conseiller. Mais honnêtement, mais ça me gêne. Même moi, je suis gêné, si vous voulez. Parce que je me mets à la place, il y a 40 ans, quand, si quelqu'un m'avait dit « Non, non, t'as pas le droit d'avoir de tortue », enfant, j'aurais été frustré, j'aurais pas accepté cette chose. Mais C'est une question d'éducation, c'est une question de connaissance. Et puis voilà, on se rend compte que ce sont des animaux qui ont des besoins. Comme on disait, il faut un grand espace pour qu'une tortue soit bien, l'alimentation. Et puis c'est des animaux aussi qui ne montrent pas forcément quand ils ont des pathologies. Il faut les soigner, c'est des animaux sensibles aussi. Et ouais, on ne peut pas se contenter de dire c'est joli sur la table du salon d'avoir un terrarium avec des tortues, quoi. Absolument, en sachant qu'elles n'ont rien à faire sur la table du salon. C'est ça. Et donc, voilà, c'est une décision qui, quand on n'est pas responsable, la décision est vite prise. Mm. Un enfant fait une crise, il a une tortue, il est calmé pendant 2 mois, et puis au bout de 3 mois, parce que c'est ce qui se passe, au bout de 3 mois ou au bout d'un an, on nous appelle au refuge, voilà, j'ai une tortue, je ne peux plus m'en occuper, est-ce que vous la voulez ? Et c'est notre quotidien, c'est ouais. pas une fois par semaine, c'est pas une fois par mois, c'est notre quotidien. Donc non, moi je déconseille formellement d'acheter ces animaux, ce ne sont pas des animaux qui sont faits pour la captivité. Ou alors, enfin, je veux dire, c'est moi, à titre personnel, je suis farouchement opposé à la vente des animaux, des tortues au grand public. J'entends, c'est-à-dire donner la possibilité à n'importe qui sur un coup de tête d'acheter une tortue. Par contre, ceux qui sont consciencieux, du moins, je l'espère, les capacitaires, eux, de par leur démarche, savent plus précisément. Ce qu'il faut pour répondre aux besoins de ces animaux. Donc là, à partir de là, ça ne devrait pas trop poser de problème. Mais on en revient. Voilà, qui aujourd'hui peut s'engager sur 100 ans, c'est 60 ça. Ans, 100 Le principe ans. De précaution vaut plutôt pour passer son chemin, ouais. venir les voir au refuge des tortues voilà. et pas dans son salon. Le refuge des tortues ou d'autres structures, il y a plein d'autres endroits. Ou alors avoir la chance de les observer dans la nature. Parce que je vous assure qu'il n'y a rien de plus beau quand on est passionné que d'observer l'animal de ses rêves dans la nature. Il n'y a rien de plus beau que de le voir en dehors d'un enclos, d'une cage. C'est des émotions qui sont extraordinaires et je le souhaite à tout le monde, quoi. Et alors, une dernière chose sur ce comportement des tortues. Donc, comme vous le disiez, en captivité, c'est quand même très compliqué. Et il y a une particularité quand même des tortues qui, je pense, peut compliquer leur détention, c'est que les tortues hibernent. En tout cas, elles s'enterrent, certaines d'entre elles. Alors, dans toutes les tortues que vous avez au refuge, vous en avez de plein de pays différents. La question que je me posais, c'est est-ce que toutes les tortues hibernent forcément ? Alors, effectivement, non. Il y a toutes les espèces de climat tempéré qui vivent dans les régions caractérisées par un climat tempéré, effectivement, hibernent. Ça veut dire qu'elles sont très actives. Elles entrent en hibernation à partir de fin octobre, début novembre. Tout dépend de la température. Elles rentrent en léthargie et puis tout l'hiver, elles vont passer leur quotidien enterré sous une plante ou autre. Et elles réapparaissent à la faveur du printemps, c'est-à-dire souvent la seconde quinzaine, début mars, seconde quinzaine du mois de mars, ça dépend des régions. Et à partir de là, elles sont actives pendant 6 mois. En revanche, il y a d'autres espèces de tortues, comme les espèces tropicales, qui, elles, n'hibernent pas et qui peuvent, dans leur pays, en fonction là aussi des régions, estiver. Autant la tortue, c'est quoi ? C'est un reptile à température variable. On appelle ça, on les qualifie d'ectothermes ou poïkilothermes, c'est-à-dire que leur température intérieure dépend des sources extérieures d'énergie. Donc l'optimum thermique, la température à laquelle les tortues se sentent bien, est située entre 28 et 30 degrés. En dessous de 25-20 degrés, elle ralentit leur activité, et au-delà de 30 degrés, elle ralentit également leur activité. Donc tout est lié à la température. Tout est lié à la température. Et les tortues aquatiques, comme la cistude, elles ont aussi cette phase de léthargie pendant la mauvaise saison ? Absolument. Okay. Les cistudes, elles sont très actives au printemps, surtout les mâles qui cherchent les femelles pour les embêter, pour les accouplements. Ensuite, les femelles vont pondre leurs œufs entre le mois de mai et juin. Les jeunes naîtront 2 mois et demi, 3 mois après, c'est-à-dire septembre ou octobre. Ou au printemps, si la terre est trop dure, elles ne peuvent pas sortir de la terre, elles sortiront. Les jeunes restent hibernés. Ils restent dans la chambre de ponte et ne réapparaîtront qu'au printemps suivant à la faveur de pluies salvatrices. Et sinon, oui, ce sont des animaux qui hibernent le plus souvent au fond des étangs ou alors à la base dans les roseraies, dans les zones peu profondes. Elles aiment bien se cacher parmi la végétation. Dans les tourbières, les zones un peu aquatiques, oui. Quoi, du coup. Eh bien, on vous laisse chiller, telles des tortues grecques au soleil, le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. C'était Bison, extrait de l'album The Haunted House of House du duo Session Victim. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission du Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invité, Jérôme Maran, fondateur du refuge des tortues de Bessières et spécialiste de ces animaux à carapace. Il vient nous présenter ce nouveau lieu ouvert au public qui sensibilise à la protection des tortues de toutes sortes. Alors, on l'a un petit peu évoqué, après des années de passion et de bourlingage à découvrir des tortues partout sur la planète, est né le projet du refuge des tortues de Bessières. Comment est-ce que ce projet a vu le jour ? J'imagine que c'était une concrétisation d'un long rêve, mais comment est-ce que ça a pris forme ? Oui, c'est effectivement un long rêve. Depuis toujours, j'avais la tête de créer ma propre structure, d'être autonome, de pouvoir décider par moi-même. Bon, j'avais pas tous les tenants et les aboutissants, y compris les difficultés, mais ça, c'est le problème des jeunes passionnés. On ne voit que ce qui nous intéresse. Et donc, ça a pris corps petit à petit. C'est un long cheminement. Un long cheminement qui s'est fait par étapes et grâce aux rencontres que j'ai pu faire dans ma vie qui m'ont permis à un moment donné de franchir des paliers, de franchir des étapes et qui ont petit à petit dessiné ce qu'est le refuge des tortues aujourd'hui. Donc en fait, je me suis installé en 2005 à Bessières et puis après avoir fait l'acquisition d'une ancienne gravière avec un petit plan d'eau qui fait toujours 14 hectares et des terres autour. Et à partir de là, avec d'abord, évidemment, j'ai eu qu'une chance dans ma vie, en fait, une seule. Désolé Agatha, je parle un peu de moi là. Oh ben, bah, faites donc. je m'estime être chanceux sur un seul point dans ma vie. C'est le fait d'avoir eu les parents que j'ai eu, parce que ça, je ne l'ai pas choisi. J'aurais pu très mal tomber, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont porté, qui m'ont encouragé. Je parle pas de l'aspect financier, ça n'a pas été que ça. Ils m'ont aidé forcément, mais ça n'a pas été que ça. C'est surtout un soutien moral, psychologique. Lui, ils ont toujours eu confiance en moi. Et ça, quand vous avez des parents, quand vous avez un entourage qui a confiance en vous, mais ça vaut tout l'or du monde, quoi. Ça vaut toutes les subventions, tout l'argent. Le fric n'a aucune importance vis-à-vis de ça. Donc, à partir de là, mes parents m'ont aidé. Et puis, j'ai des copains. Je pense notamment à Johan Vion, qui est mon bras gauche et mon bras droit, avec qui on a construit les premiers bassins. Et puis petit à petit, quand on est arrivé à Bessières, tout le monde nous a pris évidemment pour des fous. Un refuge pour tortues, non mais vous y pensez même pas. Personne, je me rappelle des agriculteurs qui venaient, qui s'arrêtaient en tracteur en disant mais... Bon, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Quand est-ce que vous allez arrêter? Il faut arrêter. Trouvez-vous un vrai travail? Tout ça, je l'ai entendu j'ai 50 ans depuis quelques jours, là. Et je l'ai entendu toute ma vie. Toute ma vie, j'ai entendu des gens vous dire que, de toute manière, il faut arrêter de rêver, que les rêves, c'est pour les enfants et pas pour les adultes. Soyez responsables. Allez travailler. Voilà. Bon, bref. Bon, moi, évidemment, j'ai jamais écouté ce genre de conseils stupides. Et destructeur dans la mesure où ça porte atteinte à vos rêves et à votre intimité. Et donc petit à petit, ça s'est mis en place. Mais dans tout ça, il y a des gens qui ont été formidables. Il y a des entrepreneurs locaux qui nous ont aidés. Je pense à la famille Robert qui est venue avec leur tractopelle un jour parce qu'on leur a fait de la peine de creuser avec une pioche. Ils nous ont creusé les premiers bassins. Après, il y a les fondations, Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, la SPA, One Voice, toutes ces associations et plein de partenaires. Ça s'est fait petit à peu, ça a pris du temps, ça a pris des années. Et c'est vrai qu'on a fermé les écoutilles et on s'est dit, bon, allez, on fonce, il faut pas regarder. Et puis, de toute manière, on ne vit qu'une fois. Et moi, j'appartiens à cette race d'humains qui ont toujours souhaité consacrer leur vie à leur passion. Et moi, jamais j'aurais fait autre chose. Donc, bon an, mal an, avec des galères, mon Dieu, rien que d'y penser, j'en perds les cheveux que je n'ai plus. Ça s'est bien déroulé jusqu'à l'ouverture du refuge des tortues, le 20 avril 2019. Okay. Voilà. En tant que gestionnaire hors pair que je suis, c'est très ironique, on a ouvert évidemment l'année juste avant la Covid. Ça, vous ne pouviez pas le planifier. Non, ça, on ne pouvait pas le planifier, mais voilà, j'ai ce côté toujours un petit peu extravagant. Et donc, ça a été comme tous les Français, une période très, très, très galère. Mais ça l'est encore plus, peut-être, quand on débute une activité comme nous. Bien sûr. Mais on s'est accroché. Je crois qu'il faut... Quand on a vraiment un rêve dans la vie, je pense à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui vont nous écouter, mais quand vous avez un rêve dans la vie, mais ça vaut vraiment la peine de s'arracher, de faire tout pour y arriver. Alors c'est toujours compliqué. Mais ce que j'ai appris, c'est que nos échecs construisent nos réussites de demain. Et on ne peut pas réussir sans être passé par les échecs. C'est les échecs qui construisent la réussite. Alors la réussite, j'entends par réussite. L'aboutissement du projet, en tout cas. Exactement. Hein, c'est pas une réussite. Il n'y a pas de caractère financier ou quoi que ce soit. Ça, je m'en fous complètement. Ça fait pas partie de mes prérogatives. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, il faut s'accrocher et il faut accepter de mettre genoux à terre. Il faut accepter de rencontrer des gens de mauvaises compagnies, des jaloux, etc. Il faut accepter les critiques. Il faut accepter tous ces gens qui vont vous faire du mal. Tous ces gens, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont incapables d'eux, parce qu'ils n'ont pas cette niaque que vous avez qui va vous permettre de transformer l'essai. C'est ça le plus important. S'accrocher et encore s'accrocher. Et le refuge, même s'il a ouvert à une date peu propice, il est ouvert au public. Et vous accueillez donc plein de tortues. Alors, combien d'espèces différentes est-ce que vous exposez ? Nous avons actuellement une quarantaine d'espèces. Alors l'objectif, c'est pas forcément, puisque tous les animaux que nous avons en refuge sont des animaux qui nous sont placés, d'accord, soit par des particuliers, soit par l'administration. D'accord. À aucun moment, nous achetons des animaux pour les présenter au public. Alors quand vous dites l'administration, c'est-à-dire que ce sont des saisies, ce sont des animaux qui sont... Absolument, c'est l'OFB, ouais. Ça peut être... Donc c'est l'Office français de la biodiversité, exactement, c'est ça. Exactement, ouais. Ça peut être les douanes. Ouais. On a un cas très récent, il y a 15 jours. Par exemple, 17 Moremis leprosa, l'émis de lépreuse, espèce française. 17 de ces spécimens ont été ramenés illégalement par un Hollandais de Malaga, en Espagne, pour les vendre en Hollande. Il a été intercepté en contrôle inopiné de la douane au niveau de Bordeaux. Ces animaux nous ont été confiés par les douanes qui les ont amenés à Toulouse. Et ensuite, nous, on vient de les rapporter en Espagne, là, la semaine dernière. On les a ramenés en Espagne dans un centre pour que ces animaux retrouvent une liberté prochaine. La liberté qui soit relâchée. Quand on fait la visite, alors j'ai eu la chance de visiter il y a peu le site, la guide que j'avais nous expliquait qu'au refuge, vous ne faisiez pas de reproduction, que vous sépariez les mâles et les femelles de chaque espèce. Pourquoi avoir fait ce choix ? Parce qu'on peut se dire qu'il y a des espèces qui sont peut-être en danger. Faire de la reproduction, ça pourrait peut-être être utile. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de ne pas faire de reproduction ? Alors c'est un choix qu'on n'a pas fait, mais qu'on n'a pas fait nous-mêmes, mais qui nous a été imposé par l'administration. D'accord. Alors ça fait partie des choses qui sont délicates. On habite dans un pays, la France, qui est le plus beau pays du monde, mais qui est soumise au diktat de gens qui sont pas forcément toujours compétents et qui nous imposent leur vision par peur. La peur fait faire n'importe quoi et je regrette honnêtement qu'on nous ait obligés notamment à séparer mâles et femelles. Ensuite, par contre, ce qui est vrai. Pourquoi je le regrette ? Je le regrette parce que mélanger, garder que les femelles et que les mâles d'un côté, dans la nature, ça n'existe pas. Pour le bien-être de ces animaux, je pense qu'à un moment donné, ça doit poser des problèmes. On ne sait pas lesquels, mais il n'y a pas besoin de faire 30 ans d'études pour se dire que tous les mâles entre eux et toutes les femelles entre elles, ça peut être compliqué. Par contre, ce que j'entends, et là où je rejoins l'administration, c'est qu'il ne faut pas de reproduction. Il ne faut pas de reproduction parce que ce sont des animaux qui sont originaires de plein d'endroits. Et faire de la reproduction alors qu'on accueille des centaines de tortues chaque année, on en ferait quoi ? Il y a beaucoup d'hybrides, d'hybridation. Il y a beaucoup d'espèces qui ne sont pas originaires de France, donc on ne pourrait pas les relâcher. Ouais. Donc ça ne me pose pas de soucis de ne pas faire de reproduction pour ces espèces-là. En revanche, il y a quand même une exception. Vous faites de la reproduction pour la fameuse amie de lépreuse qu'on évoquait, dont les populations sont très faibles et qui est uniquement originaire de, vous disiez, du Languedoc-Roussillon. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette tortue, et comment ça va se manifester? Quel projet vous avez pour la reproduction de l'amie de lépreuse? Là, on parle de rêve accompli, enfin, en phase d'accomplissement, puisque le rêve de créer le refuge, ben, il est en place. Et maintenant, ce qu'on voulait, nous, c'était être un acteur dans la conservation des espèces. C'est la raison pour laquelle, en 2020, j'ai lancé un projet qui visait à créer une station d'élevage dédiée exclusivement à l'émie de lépreuse, de son nom scientifique Moremis leprosa, espèce aquatique d'origine ibéro-maghrébine, décrite par Schweiger en 1812, et qui est une espèce qui est très très très commune au Maghreb, dans la péninsule ibérique au Maghreb, c'est-à-dire Portugal, Espagne, Maroc, Tunisie, Algérie. Elle est très commune, elle n'est pas menacée. En revanche, elle atteint sa répartition nord, sa répartition septentrionale, en France, dans le Languedoc-Roussillon, où là, il y en a moins de 800 individus. Elle était plus largement répandue avant. Mais pour le coup, c'est des populations qui sont déconnectées, qui sont fragilisées. Et c'est une espèce qui est fortement protégée en France, avec un statut particulier. Et donc, elle bénéficie d'un PNA, un plan national d'action, c'est un plan qui est destiné à venir en aide, en soutien à toutes les espèces qui sont menacées. Ce plan est dirigé par le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, notamment par Lionel Courmont, qui est le spécialiste de l'espèce en France. Et donc notre objectif, c'était de créer une station d'élevage pour élever cette espèce, et ensuite pouvoir les relâcher. Nous, notre rôle, c'est un rôle essentiellement technique, c'est-à-dire qu'on va reproduire ces animaux, et à partir de la reproduction, on va confier les bébés au sein d'Occitanie, à Lionel Courmont, et c'est lui qui va décider où ces animaux vont être relâchés et suivis par la suite. Voilà. Donc c'est un projet qui est fondamental, pour l'espèce, c'est un projet qui est génial. En un an, on a récolté plus de 150 000 euros de dons, de parcs zoologiques, etc. On a commencé les travaux, les bassins sont faits, on a encore une grosse année de travaux, il nous manque beaucoup d'argent, donc j'en profite pour faire un appel. N'hésitez pas à venir nous aider, à faire des dons, vous avez tout sur le site internet du Refuge des Tortues. C'est une action qui est géniale, qui est vertueuse, mais bon, voilà, qui est géniale parce que ça implique plein de gens de bonne volonté. Et pour nous, c'est vrai que c'est l'accomplissement d'un rêve, parce que rendre la liberté à un animal sauvage, il n'y a rien de plus beau, c'est l'aboutissement le plus total, quoi. Et est-ce qu'il y a des... Parce que j'imagine que vous disiez que les populations étaient déconnectées, j'imagine que c'est à cause des constructions humaines, des routes, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des zones un peu protégées où on peut réintroduire des individus sans que ce soit trop compliqué pour eux? Oui, alors effectivement, l'idée, c'est pas de réintroduire cette espèce n'importe où, et au final, c'est un long processus. Ça va prendre encore du temps. Mais là, c'est le Sein Occitanie qui se charge de sélectionner les endroits, des endroits qui répondront au cahier des charges nécessaires pour la réintroduction des espèces. On a une autorisation au refuge. Nous, on peut relâcher, qu'il s'agisse des émis de lépreuse ou des cystites d'Europe, on peut les relâcher en tout temps, en tout point du territoire, n'importe quand. C'est une autorisation qui nous a été délivrée par l'ADREAL Occitanie. Mais bon, on ne va pas user de ça. J'aime bien qu'il y ait quand même une hiérarchie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Agatha, notre objectif, nous, c'est d'assurer la reproduction de cette espèce en captivité. Ouais. Les jeunes seront donnés à Lionel Courmont du Sein Occitanie. À partir de là, c'est quelqu'un de très compétent, de très passionné également, par cette espèce et par plein d'autres choses, et il trouvera, j'en suis sûr, les localités adéquates. Eh ben, merci beaucoup. Alors quand même, c'est quand même plein de belles concrétisations entre le refuge et puis ce projet pour les mies de lépreuse. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est une excellente saison, que plein de gens viennent découvrir le refuge et soutiennent vos actions. Comme vous le disiez, je remettrai bien sûr le lien du site internet avec l'émission, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez tout à fait faire des dons, venir visiter le refuge, même vous recruter des bénévoles, je crois. Absolument, bénévoles, service civique. D'accord. Il faut pas hésiter. On a la possibilité d'avoir des services civiques, des bénévoles, des volontaires. Enfin, toutes les personnes de bonne volonté sont les bienvenues. pour nous aider dans notre quotidien et dans celui des tortues. Donc, c'est possible d'aider les tortues. Avis aux amateurs, aux amatrices, le refuge est l'endroit où vous pouvez mettre la main à la pâte. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu répondre à mes questions. Je vous souhaite donc le meilleur, ainsi qu'à vos protégés à Carapace. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous conseiller quelques documents pour aller plus loin. Pour commencer, j'aimerais vous recommander chaudement l'ouvrage intitulé « Dans la peau d'un dinosaure » écrit par Jean Leleuf et publié aux éditions Humaine Science dans la collection Monde Animaux. Jean Leleuf, qui est paléontologue, vous propose de découvrir les dernières connaissances scientifiques sur la morphologie et le comportement des dinos en 214 pages. Grâce à des articles récents, ils nous permettent d'explorer ce que l'on sait de leurs capacités sensorielles, intellectuelles, mais aussi de leur vie sociale et amoureuse. Agrémenté d'une touche d'humour bienvenue, l'auteur nous glisse aussi de nombreuses informations sur les techniques de la paléontologie moderne et sur les idées reçues et les grandes batailles qui ont émaillé l'histoire de cette discipline. J'ai tout particulièrement aimé la partie sur la paléoneurologie qui s'est retrouvée dans la chronique et le portrait de Tilly Edinger, femme perdue dans un monde machiste, qui a révolutionné ce que l'on sait aujourd'hui des cerveaux des dinos. C'est instructif, très bien écrit et tout à fait passionnant. Pour vous plonger sur les terres de la fin du Crétacé comme si vous y étiez, je ne peux que vous recommander la série de docu-fiction Prehistoric Planet, Planète préhistorique en français, produite par la BBC et disponible sur la plateforme Apple TV. Narrée par Sir David Attenborough, star britannique des documentaires animaliers, la série comporte actuellement 2 saisons de 5 épisodes, d'une durée de 40 minutes chacun, et qui vous propose de découvrir dans chacun d'eux un milieu et plusieurs de ses habitants. Déserts, océans, marécages, pentes volcaniques, forêts, mets à l'honneur, reptiles marins, volants et dinosaures variés. On est subjugué par la beauté des effets spéciaux qui recréent parfaitement les créatures que l'on voit à l'écran, des écailles aux plumes en passant par les cornes et les membranes de toute taille. Le résultat est si bluffant que je n'ai parfois pas pu déterminer si les paysages étaient en prise de vue réelle ou créés en images de synthèse. Un nombre impressionnant de scientifiques consultants s'est assuré de la cohérence et de la véracité de l'ensemble, en fournissant les dernières connaissances sur le sujet. Bref, c'est immersif, beau, rigoureux, peut-être parfois un peu fantaisie sur certains comportements. Après tout, rien ne prouve que les raptors chassaient bien en meute, mais c'est probablement le documentaire de la décennie, comme l'avait été en son temps, sur la Terre des dinosaures, sorti au début des années 2000. Foncez! Pour conclure et pour continuer le travail de Jérôme au Refuge des Tortues, je vous recommande l'ouvrage « 40 idées fausses sur les tortues » écrit par François Sercollet et paru aux éditions Quai. Même si elles sont moins mal aimées que les serpents ou les araignées qui ont aussi eu droit à leur titre dans la même collection, les tortues souffrent de la méconnaissance qu'on leur porte. Ce livre de 144 pages, richement illustré par les photographies de l'autrice, chargée de mission scientifique au Muséum d'histoire naturelle de Paris, tente de déconstruire certains de ses préjugés. Vous pensez que les tortues ne sont que végétariennes ? Ou qu'elles sont promises à une mort certaine quand elles se retrouvent sur le dos? Détrompez-vous. Vous pensez que la tortue se traîne à une allure ridicule? Bertie, un mâle tortue léopard vivant au Royaume-Uni, a décroché le record mondial du Guinness en parcourant 5,48 m en moins de 20 secondes. Alors, c'est qui la tortue? Plongez dans la diversité de ces animaux fascinants pour mieux les connaître, à découvrir instantanément. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à vous d'avoir été au rendez-vous. L'extrait musical du début de cette chronique provient du célèbre thème du film Jurassic Park, composé par John Williams, et vous aurez peut-être reconnu le cri du fameux T-Rex qui vient avec. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.